Madame de Morescan, de son côté, prodiguait à monsieur de Sentis des grâces dont il était, malgré son aplomb, visiblement embarrassé. En même temps, apparemment pour imiter son mari, elle s'amusait à boire de pleins verres de sauterne et de champagne, ce qui lui procurait des accès de gaieté extraordinaires. Entre ces crises d'hilarité bruyante, elle tombait par intervalles dans de vagues rêveries, semblables à une bacchante fatiguée. Au dessert, elle déclara qu'on prendrait le café dans la salle à manger. On était en train, on était en verve. Si l'on s'en allait chacun de son côté, les uns au salon, les autres au fumoir, cela romprait le charme. On allait donc rester là tous ensemble, et elle permettait aux hommes de fumer. Cette déclaration fut saluée par les applaudissements des convives. On apporta le café, on fit circuler les cigares. Jeanne de Morescan annonça qu'elle avait envie d'essayer de fumer, et prit un cigare sur le plateau. « Allons, vous allez vous faire mal !» s'écria monsieur de Morescan. « Prenez au moins une cigarette !»« Non, non, je veux un cigare !» dit la jeune femme, dont les yeux étaient un peu troublés. Monsieur de Morescan haussa les épaules et ne dit plus rien. Elle fit craquer une allumette, en approcha son cigare et se mit à fumer résolument, aux exclamations de l'assistance. Au bout de 2 ou 3 minutes, « Tiens, dit-elle, vous aviez raison, ça me fait mal. » Puis, se tournant soudainement vers son voisin de droite, « Capitaine, lui dit-elle en ôtant de ses lèvres le cigare humide et en le lui présentant, « Tenez, finissez mon cigare. » Sur ce geste, sur ces simples mots, il sembla que les 20 convives, si vivants et si bruyants, fussent devenus de marbre. Il se fit tout à coup un tel silence qu'on put entendre, au dehors, comme si la salle eût été vide, les murmures du vent d'hiver. Tous les yeux, qui s'étaient d'abord fixés sur Jeanne, se reportèrent sur son mari, qui était naturellement assis en face d'elle. Il était extrêmement pâle. Il regardait monsieur de Sentis et il attendait. L'officier de chasseur hésita. Il interrogea d'un air grave les yeux de Jeanne. « Eh bien, dit-elle, de quoi avez-vous peur ? » Il n'hésita plus. Il prit le cigare qu'elle lui offrait et le mit entre ses dents. Au même instant, le baron de Morescan retira de sa bouche son propre cigare et le lança violemment au visage de monsieur de Sentis. « Finissez aussi le mien, capitaine ! » lui cria-t-il. Le cigare à demi fumé vint s'écraser sur la face du capitaine et il en jaillit des étincelles. Tout le monde s'était levé. Au milieu de la confusion et de la stupeur générale, Jeanne, subitement dégrisée, se tenait elle-même debout, froide, impassible, s'appuyant d'une main sur sa chaise. Son beau visage, que nous avons connu si pur et si noble, semblait recouvert du masque de Tisiphone. Il exprimait ce mélange d'horreur et de joie sauvage qu'on dut lire sur le front charmant de Marie Stuart quand elle entendit l'explosion qui la vengeait du meurtrier de Rizzio.